Bien sûr, les gens vont causer. Comment les en empêcher? Et pourquoi d'ailleurs? C'est à moi tout ça. C'est à moi parce que c'est toi. Que nous deux on s'invente pas. Et c'est du bonheur. Que vous soyez là. Bien sûr, moi je l'ai pas créé. Moi je l'ai pas vu pousser. Mais c'est dans mon cœur. Que je suis son papa. Cet enfant de notre amour, c'est le souvenir de ton passé. Mais faudrait vraiment que je sois sourd pour pas entendre mon cœur crier. La place.